Cette chanteuse s'appelle Megumi Hayashibara. C'est la meilleure de toutes parce qu'elle a plus de 1000 voix. Elle a fait les voix pour les animes les plus connus. Et ça dit qu'on peut le dire, comme Cartman et qu'elle le trou le cul. Et puis quoi encore? Oui, qu'est-ce qu'elle a d'autre encore? Bah elle est super canon, et puis y'a un truc à dire. 10 ans qu'elle remporte le top 5 des meilleurs seiyuu. C'est quand même pas rien. Alors je vais vous raconter que un jour je suis parti à Tokyo pour lui demander un autographe. J'ai pris l'avion et je me suis paumé là. J'ai pris 2 jours pour trouver la sortie de l'aéroport. Machigaeru. Oui, je me suis trompé car tout ça pour voir Megumi Hayashibara, une chanteuse de J-pop qui fait de la super zik. Vivement que je la vois faire son live en direct. Megumi wa watashi no yume des. Car pour voir Megumi Hayashibara, crois que je me fight contre les forces du mal. Et ainsi retourner les obstacles pour que je puisse lui dire Aishteimasu. Je me suis retrouvé dans plein dans les rues de Tokyo. Moi qui cause même pas un mot de ce petit coin là. J'ai cherché partout ceux qui pourraient m'indiquer où je pourrais trouver mon idole en live. Et donc j'ai déambulé pendant 30 jours et 9 nuits. Et finalement j'ai trouvé un de ces lives. Mais le problème c'était que les places étaient toutes pleines. Ichi haiku. J'fais de l'autostop pour partir. Tout ça pour voir Megumi Hayashibara, une chanteuse de J-pop qui fait de la super zik. Il manque que je la vois faire son live en direct. Megumi wa watashi no senpai des. Car pour voir Megumi Hayashibara, faudra que je me fight contre les forces du mal. Et ainsi retourner les obstacles pour que je puisse lui dire Megumi Skida. La morale de cette histoire c'est qu'faut pas désespérer. Même si j'ai raté le coche cette fois-là, je renoncerai pas et l'année prochaine, je reviendrai là, je finirai par la voir. Tout ça pour voir Megumi Hayashibara, une chanteuse de J-pop qui fait de la super zik. Vivement que je la vois faire son live en direct. Megumi wa watashi no yume des. Car pour voir Megumi Hayashibara, crois que je me fight contre les forces du mal. Et ainsi retourner les obstacles pour que je puisse lui dire Aishteimasu.